donc un peu les filles. Allez, vous marquez ! Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme était née dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue ici sur l'antenne de RIG 90.7 de la bande FM. Bienvenue ici dans la radio de Johnny Hallyday, le mercredi de 22h jusqu'à minuit. Je suis très heureux de vous retrouver après ces quelques jours, on va dire, d'absence, hein, voilà. Bientôt arriveront les vacances également, mais n'en parlons pas, sinon ça va faire des fâcheux. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Johnny Hallyday, 100% live ce soir, car nous sommes le deuxième mercredi du mois, mes premières émissions du mois, et je vais vous proposer aujourd'hui, une playlist spécialement live des années 60. On va retrouver Johnny Hallyday à l'Olympia en 62, en 64, en 65 également. On aura aussi Johnny Hallyday à l'Olympia en 66, en 67, au Palais des Sports en 67, Olympia 67 toujours, à Grenoble également en 68, le Palais des Sports de 1969. Et puis on ira aussi à les quelques extraits du Johnny Circus de 1972. Oui, car vous savez, le 3 juin sortira la collection Johnny Archive Live, qui comprendra 3 disques également, qui sortiront aussi bien en CD Digipack que en édition vinyle limitée et numérotée. Nous aurons Johnny Hallyday à Fréjus le 30 juillet 1966, Johnny à Grenoble le 10 février 1968, et nous aurons également le Johnny Circus de la tournée 1972. Oui, ce qu'on peut dire sur le Johnny Circus, c'est que donc c'est la bande du pirate qui tourne depuis plusieurs années, qui a été retravaillé car les bandes de RTL ne convenaient pas, n'étaient pas assez satisfaisantes. Et donc, ils auront tout retravaillé à partir de ce pirate-là. Donc, on n'aura pas tous les titres de cette fameuse tournée. Voilà. Mais si on commençait tout de suite par cette émission, en commençant par Johnny Hallyday à l'Olympia 1962, ouais, parce qu'Olympia 61, le son n'était pas terrible. Donc, on va s'en passer. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne écoute. Sur le thème de RIG dans l'émission Johnny de A à Z. Ah, c'est une fille comme toi qu'il me faut à moi. J'ai le cœur qui bondit dès que je te vois. Ah, je te trouve du tonnerre, tu as tout pour me plaire. Pourtant tu ne fais rien pour ça. Oui, une fille comme toi j'en avais rêvé. Ah, tu es là devant moi et je suis comblé. Ah, mon être se délivre dans un âge de vivre. Que dans tes yeux je vois briller. J'ai du soleil plein la tête et tout me semble beau. Crier à tous les échos. C'est une fille comme toi qu'il me faut à moi. Ah oui, les copains, c'est certain, n'en reviendront pas. Ah, tu me dis que tu m'aimes, la vie est sans problème avec une fille comme toi. Crier à tous les échos. C'est une fille comme toi qu'il me faut à moi. Ah, j'ai le cœur qui bondit dès que je te vois. Ah, je te trouve du tonnerre. Ah, tu as tout pour me plaire. Pourtant tu ne fais rien pour ça. Thank you. que tu veux être mon ami. Jolie que toi, que toi. Hey, hey, baby, est-ce que tu veux être mon ami? À quelle tête tu faisais quand je t'ai apporté? Tu as rougi puis tu t'es sauvé juste au moment où je te disais. Tu veux être mon ami, mais je t'ai couru après et je t'ai rattrapé. Tout tes souffleurs, tu m'as souri et tu m'as dit oui quand je t'ai dit hey, hey, baby, est-ce que tu veux être mon ami? Être mon ami, être mon ami, être mon ami. Terre-là qui me rappelle autrefois. Oublie-le s'il le faut. Ne touche pas à ce piano. Johnny 62, voici Johnny Olympia 1964. Live années 60. Je te donne que 8 jours. Rien que ça. À la famille, je raconterai tout ce que tu m'as fait. Si tu n'es pas rentré, je ferai connaître ton aventure. Je ne te donne pour me revenir. Rien que 8 jours. Rien que 8 jours. Que 8 jours, ouais, pour revenir auprès de moi, tu n'as que 8 jours.

danser. Encore, encore, non plus jamais, jamais, jamais, jamais, jamais. J'ai voulu te dire à quel point je t'aimais. Hélas, je ne savais pas comment faire. Et quand j'ai su la vérité, et tous ces pleurs que tu versais, n'étaient vraiment pas ce que mon cœur voulait. Aussi n'aie pas peur de m'aimer encore, car je suis vraiment sincère, crois-moi. Alors, viens donc. Non plus jamais, plus jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, je ne veux plus te blesser. On quitte l'Olympia 1964 pour aller à l'Olympia 1965 avec le titre Mais je reviens, suivi de Mes yeux sont fous, John Hayde, sur RIG dans l'émission Johnny de A à Z ce soir live années 60. Mais pourquoi me faire ça, je... se demander qu'elle m'aime un peu, mais c'est elle beaucoup. Leurs lèvres qui se cherchent à me faire trop mal, et ces mots qu'elle écrit à me faire trop mal. Mon amour, mon amour, mon Olympia 1965 avec les montres du ciel suivi de Roviato que chez nous. La montagne, je regarde vers les hommes. J'aime son seul quand la jeune qu'on abandonne. La pluie coule en larmes sur le sol. Trop souvent je suis venu, mais trop souvent tout seul. J'étais si heureux quand je t'ai volé. Là-haut sur les montres du ciel. Jure après jure, je suis revenu l'attendre. En mettant mon cœur à l'armée à cendre. Aussi tu pouvais être seul aussi. Aussi tu pouvais penser revenir ici. Et je chaque fois te revois plus belle. Là-haut sur les monts près du ciel. Les monts près du ciel, les monts près du ciel. J'y ai tant souffert. On les appelle les monts près du ciel. Qui sonne, cogne dans mon pauvre cœur. Et je perds seul mon amour perdu. Là-haut sur le mont près du ciel. Ouais. Qui fait un jour de m'avoir quitté, oh, reviens-moi.

file. On en rire, fut en prison. Je me souviens quand il disait oh, oh, sois sage mon fils, il ne t'arrivera rien. Je ne veux pas que tu connaisses les dents des chiens sur ton dos. Et mon fils peut te trouver pleurant de honte entre quatre murs gris. J'ai mis les mains dans une eau sale. J'ai mis les mains dans la rivière où coule le crime et la misère. Je me suis lavé les mains dans une eau sale. J'ai essayé de travailler. J'étais même un ouvrier. Mais la fille pour qui je vivais ne se contentait plus d'un ouvrier. Un matin, au ciel trop lourd, accompagné le pavorien. Fait un coup pour rien. Les postes et le devis, nous avons couru. Hey, j'ai mis les mains dans une eau sale. J'ai mis les mains dans la rivière où coule le crime et la misère. Je me suis lavé les mains dans une eau sale. Hey, j'ai mis les mains dans une eau sale. Entre le crime et la misère, j'entends les chiens qui courent dans mon dos. J'entends le cri des chiens qui courent dans mon dos. J'entends le cri des chiens qui courent dans mon dos. On quitte l'Olympia 1937 pour arriver au Palais des Sports 1967, c'était en novembre. Avec un petit medley sans musique, Johnny qui chante jusqu'à minuit, confession, je suis seul. Entendre.

autour de moi, mais je me sens comme perdu dans un grand désert, dans un grand désert. Oh, mais j'ai soif. Trahi. Mais ton amour, tu peux me jurer, quitter. Charlie, laissez ce charmante demoiselle tranquille, voulez-vous? Mais avant de vous quitter, j'aimerais vous dire que j'ai été très heureux de chanter pour vous. Remarquez que je suis toujours très heureux de chanter, mais aujourd'hui particulièrement, vous étiez formidable. J'ai quelque chose à vous dire. Vous voulez que je vous dise quelque chose? On va faire un pacte, vous et moi. D'accord? Écoutez, on va faire un pacte. Vous faites le silence pendant 3 secondes. D'accord? Et je vous chante une chanson. Vous avez triché. Noir, c'est noir. Il me reste l'espoir. Gris, c'est gris. Et c'est fini. Oh, oh, oh, oh. Je ferai tout pour sauver notre amour. Rien que pour sauver notre amour. Rien que pour nous. On va du côté de Grenoble en 1968, le 10 février, avec Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde étaient tous deux jeunes beaux. On aurait dit qu'ils étaient les enfants du diable. Bonnie and Clyde, c'est en volant une auto qu'ils se sont rencontrés. Ce jour fut mémorable. Dans un drugstore, ils ont pillé, pris la fille. Dans la poursuite, raflant des bagnoles, pour mieux se cacher et plus vite. Bonnie and Clyde, grandir en réputation, tant et si bien qu'un jour ils attaquèrent des banques. Les mains en l'air, criaient éclat en pleine action, pendant que Bonnie remplissait dans leur sac. Et sa brave femme voulut les arrêter seuls. Ils l'ont laissé dans une mare de sang, échappant de justesse en riant. Trinidad était bien l'ennemi public numéro un. Le FBI au trop riaient tous deux comme des gamins. Et tout au fond d'eux-mêmes, ils savaient bien tôt tard que ce chemin-là même à une fin certaine. Au matin blême dans la prairie remplie de fleurs pour mourir. Hey, la trahison venant d'une information, la police tend un piège à lui et sa compagne. Bonnie and Clyde, parmi les détonations d'armes à répétition, sont morts dans la campagne. Bonnie and Clyde, la main dans la main. Bonnie and Clyde ont trouvé leur fin. Bonnie and Clyde. On trouvera aussi ce titre dans le Johnny Archive Live de Grenoble en 1968, le 3 juin 2022. Ah, mon amour, qui m'as-tu pardonné souvent? Je lui donne. Ah, mon ami, sur qui je peux compter souvent? Je lui donne. Sans un amour, un homme n'est plus rien. Oh non, sans personne. Sans un ami à qui tendre la main. Oh non, et je donne. Que je vois dans vos yeux souvent. Oui, je vous donne. Pour mes amis qui m'écoutent en ce moment, je vous donne. Fleur d'amour et fleur d'amitié aussi. Oh, toujours avec ses colliers. Fleur de joie et fleur de l'espoir aussi. Que je fume et j'ai cueilli. Fleur d'amour et fleur d'amitié aussi. C'est autour du coucher cueilli. Fleur de paix, nous verrons pousser ainsi. Des jardins pour embellir notre vie. Fleur d'amour, fleur d'amitié. Ah, fleur d'amour. À fleur d'amour, oui, fleur d'amour, oui, fleur des this one and lose it was not inside. I spent tons of bottle. Oh, nearly dropped out, Lucy. Let's come back where you belong. I'm asking to you, baby. Now, please don't leave me alone. Down this morning, Lucy was not inside. I bought friends a powder. Oh, that at least worked out, Lucy. Please come back where you belong. Wow! I'm asking to you, baby. Now, please don't leave me alone. Lucille, bon vent à l'océan. When I need you, honey, come on straight back to me, baby. When I need you so. Oh yeah, I'm asking to you, baby. Now please don't leave me alone. Come on, let's go one more time, right? Yeah. On aura donc le 3 juin prochain, le 3 juin, dans ce Johnny Archive live à Grenoble en 1968. Maintenant, on va partir du côté du Palais des Sports en 1969. Avec Voyage au Pays du Vivant, Rivière, ouvre ton lit. jamais, je ne recommencerai jamais, jamais, jamais, jamais, je ne recommencerai avec moi maintenant. Jamais, hey, ne recommencerai. Je ne prendrai plus jamais de LSD. Je ne prendrai plus jamais de LSD. Je ne recommencerai jamais, jamais, jamais, jamais. Je ne prendrai plus jamais de LSD. Je ne prendrai plus jamais de... Non, jamais. Je ne fumerai jamais de hashish. Jamais. Jamais. Jamais. Jamais. Je ne recommencerai. Écoutez, Érigé, la radio de Johnny Hallyday, de mercredi soir de 22h à minuit. Oui, le titre de cette émission, c'est Johnny de A à Z. Nous sommes toujours en Pays des Sports 1969. Ouvre ton lit, tu sais, je te connais. Tu es très belle, tu es comme une femme. Allez, je te connais. Tu es très douce et sans cœur et sans âme. On croit trouver le ciel en toi. On tend la main comme un mendiant idiot. Et puis, trop tard, on s'aperçoit qu'on s'est noyé. n'ai pas compris sa lettre. Oh non. Le papier était froissé. Elle avait pleuré sans doute. Les mots étaient effacés. Quand je lui disais peut-être, ah, son cœur entendait oui. Aujourd'hui, je pourrais vivre heureux. Je pourrais vivre avec toi. Je me retrouve tout seul. Seul. Moi, j'ai tellement besoin de sentir ta main dans la mienne. Je me sens perdu comme dans un immense désert. Moi, pour vivre, j'ai besoin de sentir ton corps contre le mien. Autrement, j'ai peur. Autrement, j'ai froid. Je t'aime sans toi. Je t'aime. ce Palais des Sports 1969 et on va retrouver en concert pour le dernier, pour les derniers extraits, c'est le Johnny Circus qui va sortir lui aussi en vinyle et en CD, hein, en édition limitée. Johnny Circus le 3 juin 2022. On va écouter 3-4 extraits de ce concert. Comme celui-ci, comme si je devais mourir demain. Suivi de Rien ne vaut, cette fille-là, toi tu veux l'amour, et après on finira par Dead or Alive. Aujourd'hui, je veux tout te dire, je ne peux plus vivre et mentir. J'ai vécu comme un animal, combien de fois t'es, je fais mal. Que vous écoutez à l'instant, que vous découvrirez également le 3 juin 2022, sera remasterisé à partir de cette bande-là. Quand ce monde autour de moi et du temps passé déjà, va pleurer ou bien à rire. Non, rien ne vaut cette fille-là. J'ai cru le meilleur. Son cœur. Elle dit de manquer un mot. Son cœur et son cœur. Focus de l'été 1972. Pas, hein, vous aurez ça de meilleure qualité pour le 3 juin. Chef, cette émission Johnny de A à Z spécial live des années 60. Certes, on a terminé par le Johnny Circus de 1972. Je vous remercie toutes et tous d'avoir participé, d'avoir écouté cette émission. Et puis n'oubliez pas, toujours pas, parlez-en autour de vous, cette émission Johnny de A à Z tous les mercredis de 22h à minuit. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et puis entre-temps, bonne nuit à toutes et à tous. À très bientôt. Ciao, ciao.